tranquille comme ils ne sont qu'un. Partager nos vies comme nous partageons le soleil. Tu n'as jamais entendu pleurer. Notre petite histoire est terminée. J'ai nos vies comme nous partageons le soleil. Tu n'as jamais entendu pleurer. Notre petite histoire est terminée. I want to feel that we are one. J'ai nos vies comme nous partageons le soleil. Tu n'as jamais entendu pleurer. Notre petite histoire est terminée. I want to feel that we are one. Share our lives into the sun. Sentir que nous ne sommes qu'un. Partager nos vies comme nous partageons le soleil. I want to feel that we are one. Partageons le soleil. Tu ne m'as jamais entendu pleurer. Notre petite histoire est terminée. I want to feel that we are one. Share our lives into the sun.